Deuxième partie. Nous partons dimanche matin. Je voudrais téléphoner à la gare, au service des renseignements. J'ai besoin de renseignements sur les trains de Niort. Ce n'est pas la peine, monsieur. Nous avons ici l'horaire des trains. Nous sommes vendredi 21 juillet aujourd'hui, n'est-ce pas? Je veux partir après-demain. Quels sont les heures des trains, alors? Le matin, vous avez un train direct. Il part à 7 heures précises. À 7 heures du matin? C'est trop tôt. Je ne pars jamais très tôt le dimanche. Vous avez un express à 11h15 et l'après-midi un omnibus. L'omnibus met 5 heures. Il s'arrête à toutes les gares. Et vous arrivez à 18h. Vous changez au Mans, vous avez la correspondance. Mais il y a une demi-heure d'attente. Oh, c'est long. Et le soir? Le soir, vous avez un express à 20h. Mais vous arrivez après minuit. C'est trop tard. Nous ne voulons pas arriver en pleine nuit. Bon, partons au train de 9h15.